Dirty Deeds, yeah, the drums. Que je te porte toi et tous tes obsédés médisants, soi disant. T'es dans la farine, dans la carne et vend des armes. Et rentré tard, tu quand les stars mettent en bagarre. Soit disant, depuis que t'as 10 ans, tu fumes en tisant. Laisse-moi vivant tes partisans, sauront tu m'en espèce de pigeon. Espèce de pigeon, t'as cru que soigner, c'est comme un rack. J'aime pas les hypocrites, c'est pour ça que j'ai pas de télé. SOS Wack, mais des scénarios Wack, c'est fêlé. Un jour pédé m'a dit, t'es tout en triste, toi. C'est pas que je suis triste, mon pédé, jusque la vie me brise trop. Et je crise trop. Regarde ce que tu fais quand tu tises trop. Tu vises mal quand tu pisses et tu veux retourner le bistrot. Moi je me fais discret, travaille ma diction. Dans tes discrétés, distraités par l'aliénation. J'ai mes convictions sur la démocratie. Il y a des solutions de réaction de la démographie. J'estime, oula, ouyouyouyou. We'll be right back.

commence à fatiguer, moi. Je vais aller dormir. Merde, putain, c'est presque 1h du matin. Putain, demain je bosse. Allez, go.